j'ai des love, stop plein ils ont le mauve. Mais je vois pas la vie en rose, je vis comme un ghost. Il me faut un fusil mon pote, parce que je fais pas de la pop. Ma vision c'est le globe, j'ai jamais fait le boss. Capuché sur le cross, faut une femme et un gosse. De la tête aux pieds, en Dior, DP, Hugo Boss. Et t'as montré les fosses, tu me fais le ricross. Je veux faire plus de vues comme mes gosses. Et si t'as deux CZ de chargé, poteau, dis-moi qui c'est qui cause. Là j'écris dans le SVR, je vois que tu m'évites CR. Sur ton cou c'est du plaqué, moi sur mes CD c'est d'or. J'compte plus les fois où je me suis gazé. Des fois je parle plus à des gens et je sais même plus ce qui s'est passé. Et moi je fais des sous sans me toucher des couilles. Ta daronne m'écoute et ton poteau sous écrou. On a tellement caissé que maintenant craint plus les coups. Paranoïaque à croire que le mic est sur écoute. Paranoïa, paranoïa. C'est l'hiver, il caille. Et y'a des poteaux en paillole. C'est la même merde. Marseille, crois pas que ça lol. Ça fait des sous. Les képis marronnes. C'est normal que personne te croit. Poteau, t'as aucune parole. Un peu de grégou dans la taille des viandes. Ils m'ont fait du mal, ils paieront. Big up à toi si t'as perdu ta mère ou ton père. Et gros big up à toi là qui nous critique quand on part. On boit pour oublier, ouais, on fume pour oublier. J'crois que tu vas faire peur à qui. Avec ta tête de croupillé, ça fait des gros billets. En esquimant les bourbilles. Au début j'ai fait du rap, ni pour les sous ni pour briller. Et moi j'fais des sous, sans me toucher des couilles. Ta daronne m'écoute et ton poteau sous écrou. On a tellement caissé que maintenant craint plus les coups. Paranoïaque à croire que le mic est sur écoute. Paranoïaque.